qu'on va prendre un temps pour prier, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous voulons prendre un temps pour te rendre grâce pour le plan merveilleux que tu as pour ton Église. Et nous reconnaissons ce matin que nous sommes dans ce plan uniquement à cause de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta sagesse. Nous reconnaissons que c'est par ton Esprit Saint que nous sommes ce que nous sommes. C'est lui qui nous a régénérés, transformés, qui nous a donné la vie. Et on te demande ce matin que tu puisses nous aider à apprendre à prier d'une façon qui va démontrer que c'est toi le plus important. C'est toi la raison d'être de toutes choses. Que nos prières vont démontrer que tout a été fait par toi et pour toi. Nous voulons démontrer aussi par nos prières que tu es ton plan. C'est la raison de notre vie. Ton plan, c'est la raison pourquoi nous sommes là, dans ce monde, en tant que lumière. Et les lumières que nous sommes veulent éclairer seulement qu'une personne, la personne de ton Fils, qui est notre Seigneur et notre Maître. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, si on vous le met, on va lire le chapitre 3, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Daniel, tu nous lire ça? C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidâmes à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé. Et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet? Pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Jusqu'à 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. OK, merci Daniel. Donc, nous sommes en train de regarder les prières de Paul. Non pas que c'est juste Paul qui a prié dans le Nouveau Testament, mais on a choisi Paul pour voir, pour nous instruire, pour nous aider à prier. On a déjà remarqué que dépendamment de ce que tu es né, tu as un accent dans ton langage, et on va dire, ah, lui, il vient du lac Saint-Jean, ah, lui, il vient de la Gaspésie, ah, lui, il vient dans un autre pays, mettons, on va voir. Et si on avait, si ces enfants-là seraient nés dans un autre endroit, il n'y aurait pas cet accent-là. C'est le milieu, les parents, les amis, la télévision, la radio, à l'école, qui ont influencé leur vie et qui ont pris la couleur du paysage. Ils ont un accent anglophone, ils ont un accent américain. Je parlais anglais, mais une fois, je me suis ramassé avec des vrais anglais. J'avais de la misère à comprendre. Bon, on a un couple d'amis qui a adopté un enfant de la Russie, puis un autre enfant de la Chine. Ils ont l'accent québécois. Ouais, ils parlent comme des Québécois. Ouais. Donc, tu parles de Michel? Ouais. OK. Donc, c'est, ce que je dis par là, c'est que notre façon de prier, nous faisions quelque chose quand j'étais étudiant au séminaire. On essayait de découvrir d'où est-ce que les étudiants venaient, de quelle église ils venaient, sans leur demander de quelle église ils venaient. Juste par la façon qu'ils priaient, la façon qu'ils parlaient de la foi, ce qu'ils croyaient. On disait, ah, toi, tu dois venir du coin de Gatineau, hein? Ah, ouais, moi, ça, tu sais ça. Ben, t'as les couleurs, t'as les, tu parles comme les gens de Gatineau, les chrétiens de ce coin-là, la façon que tu, les choses que tu crois. Comme un jour, je parlais avec un étudiant, je dis, t'aurais-tu étudié à Jarvis Street, à Toronto? Il dit, oui, tu crois ça, tu sais ça. T'as les couleurs doctrinales, t'as les, la façon que tu parles, tu ressembles à. Et ce que je dis, ça veut dire que la façon qu'on prie va refléter souvent les gens avec qui on prie, qui nous ont montré à prier, c'était qui nos parents spirituels, nos églises dans lesquelles on a vécu. Et quand on a été sauvés, le lendemain, on a commencé à prier. Qui nous a influencés? Ça venait d'un arrière-plan. Moi, j'ai commencé à prier. Je priais comme un catholique. J'ai enlevé Marie, j'ai enlevé les saints, j'ai mis Jésus à la place, je continue à prier. Et là, tranquillement, à force de me tenir avec des chrétiens, ça l'a changé. Mais ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut apprendre, c'est comment est-ce que Dieu voudrait qu'on prie. Si les apôtres, eux autres, ils ont vécu 3 ans avec Jésus, ça n'a pas été tellement long qu'ils ont fini par dire quoi? Apprends-nous à prier. Là, ils ont vu, en se tenant avec Jésus, en l'écoutant prier, en le voyant prier, ils ont dit, oups, il ne prie pas comme Dieu. Il y a une autre façon de prier. Et je crois que les apôtres ont été influencés dans leur façon de prier par Jésus. Hein? Parce que pendant 3 ans, ils l'ont écouté prier, ils l'ont écouté parler, ils ont vu qu'est-ce que Jésus vivait, et ça l'a influencé toute leur vie chrétienne par après. Et nous autres, en écoutant, en regardant ce que Paul prie, ce que Paul demande, ben on veut être influencé. Ce qui me réjouit de vous et moi, c'est que nous voulons aller vers les Écritures et dire, on aimerait être influencé par les Écritures pour prier. Pas par juste par nos gens de nos églises, parce qu'on est tous vulnérables, on est tous faibles, on est tous des gens qui peuvent avoir des erreurs dans nos compréhensions. Mais en allant vers les Écritures, ah, les autres qui ont côtoyé le Maître, ben, croient qu'ils ont été influencés par le Maître. Donc, on voudrait qu'il nous influence. On peut aussi étudier les prières de Jésus. Et ça serait la même affaire, dans ce sens-là. Donc, la dernière fois qu'on était ensemble, on avait vu que Paul avait prié. Et dans ses prières, il demandait que l'amour des chrétiens augmente. C'est ce qu'on avait vu ensemble. Seigneur, je te prie que l'amour que les chrétiens ont augmente. L'amour pour Dieu augmente. Et cette fois-ci, on va voir un autre sujet de requête au verset 10, mais on va commencer par le verset 9 qui dit « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? » Et vous remarquez qu'au verset 8, il dit « Car maintenant, nous vivons. » Moi, je trouve ça fort. Hein? « Nous vivons puisque vous demeurez fermes dans ce... » Paul est un peu inquiet par rapport aux Thessaloniciens, il a envoyé Timothée voir. Timothée revient avec des bonnes nouvelles, il dit, « Ah, nous vivons maintenant, vu que nous savons que votre foi est restée ferme. » Oui, lui, Paul, il est inquiet. Nous autres, on aurait dit, « Ah, ben là, je respire. » Ah, c'est ça. Nous autres, on aurait dit ça. « Ah, ouais, là, je suis en paix, je respire, on est content, on est sécurisé. » Parce qu'il voit ses enfants vivre, continuer à vivre dans le Seigneur. Et je disais ça à Patrick un matin, n'est-ce pas, où on s'en est alors, ou un matin en déjeuner, je disais, moi je suis retourné dans mon, il y a 2 ans, je suis retourné vivre par chez nous, à Vitaliéville, et j'ai retrouvé les chrétiens que j'étais, quand j'étais sauvé il y a 35 ans. Des fois j'en vois, puis là je dis, ah, je suis content de voir que Dieu est fidèle, puis toi t'es fidèle, vous continuez à marcher, ça me réjouit. C'est un peu ce que Paul est en train de dire. Il y a des nouvelles des Thessaloniciens, puis il est content. Il dit, nous vivons maintenant. Donc, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il entend des chrétiens, pour ce qu'il, que les nouvelles que Timothée a ramenées. Et on avait vu ça la dernière fois aussi, qu'on devrait, en commençant à prier, on devrait apprendre à rendre grâce à Dieu pour l'Église, pour les croyants, pour l'œuvre de Dieu dans l'Église, pour l'œuvre que Dieu fait dans les croyants. On devrait rendre grâce pour nous-mêmes, pour ce que Dieu fait dans notre vie, et aussi pour les croyants. Parce qu'il dit ça, je rends grâce, en effet, pour à Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça me dit, ça? Moi, je suis moins porté. Je suis moins porté. Je ne dis pas que je ne le fais pas, mais je suis moins porté à chialer et à critiquer quand je prends le temps pour rendre grâce à Dieu pour les croyants. Si je ne fais pas ça, j'ai tendance à voir noir. Vous n'êtes pas comme moi, vous autres, en début de suite. Vous êtes tous des super chrétiens. C'est on a tendance à voir plus noir. On a tendance à dire, si c'est ça. Mais quand on commence par rendre grâce pour un certain temps, rends grâce pour lui, je te rends grâce pour elle, je te rends grâce pour l'œuf, je te rends grâce pour les nouveaux, je te rends grâce pour les sauvés, je te rends grâce pour les critiques qui persévèrent. On rend grâce. Et on est moins porté à voir noir après. Moins porté. Je crois que c'est comme ça. Mais, comme j'ai dit la dernière fois, le but de notre temps ensemble, ce n'est pas d'étudier ce que Paul, pour lequel Paul rend grâce. Le but, c'est d'étudier les prières. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Ça, c'est la demande que Paul fait à Dieu. Ça, c'est sa requête de prière, ici. Il demande une chose. C'est quoi? Il veut aller les voir. Il veut aller les voir. Mais pour compléter ce qui manque à Ouais. Voilà. Il veut aller les voir pour la raison. La raison, c'est compléter. Il veut agrandir votre Seigneur. Le Seigneur. Votre spécialiste de l'Épître aux Romains, Paul dit la même chose aux Romains. J'espère que je peux aller vous voir. Parce qu'il dit, je voudrais qu'on s'encourage mutuellement et je pourrais compléter aussi ce qui manque à votre foi. Afin que vous soyez affermis. Affermis. Et qu'est-ce qui va affermir les croyants? C'est l'Écriture, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais il dit, je prie afin de pouvoir aller vous voir. Moi, j'aimerais ça, tu dis, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Est-ce que c'est quoi qui se passait dans son cœur? C'est-tu qu'il essaye, comme il essaye de convaincre Dieu? Ou ben non, comment la façon qu'il... Non, je ne crois pas que Paul va nous passer comme idée ici que, bon, ben, je vais faire changer l'idée à Dieu. Je crois que Paul est en train juste de dire, je le prie avec un désir fort, j'ai un grand désir, je veux vraiment aller voir, j'ai hâte... Comme nous autres, on s'est rencontrés deux couples cette semaine, parce qu'on prépare nos vacances. Il y a un désir à l'intérieur, il y a une joie de se rencontrer, de parler. Et là, on a passé des heures à planifier notre voyage qu'on est en train de faire. Et les gens qui nous avaient vu faire, ils avaient dit, waouh, ils ont hâte de partir, ils ont hâte d'y aller. Et je crois que Paul est en train de dire la même chose. Il y a un désir, c'est pas quelque chose qui était là, passager, qui passait. Qui a pensé sur un coup de tête, oh, j'aimerais ça aller voir. C'est quelque chose qui était là dans son cœur, qui avait un vif désir. Il ne croit pas que ce n'est pas l'intensité de son désir qui va faire que Dieu va répondre ou pas. Mais lui exprime son désir devant Dieu. Il dit, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'il a exprimé ça devant Dieu, mais c'est ce qu'il dit au Thessaloniciens. Nous prions Dieu avec un vif désir, un grand désir, une intensité pour aller vous voir. Parce que c'est pas pour rien que je vous ai fait lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Il parle au verset 2. Nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir aussi. Donc c'était le même désir qu'il avait. En envoyant Timothée, il y a un désir. C'est de rendre les chrétiens plus forts dans la foi. faut se mettre dans le contexte qu'eux autres n'avaient pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Et ils n'avaient même pas la Bible écrite comme on l'a aujourd'hui. Donc, si tu voulais affermir un croyant, tu devais aller le voir. Tu ne pouvais pas prendre Fringe, ou prendre Skype, ou je ne sais pas quoi, Skype, ou prendre un autre moyen, ou des vidéos, ou le téléphone. Tu ne pouvais pas faire ça. Le seul moyen que ça aurait pu écrire une lettre comme il a fait là, ou envoyer quelqu'un avec la lettre. Il dit, mon but, je veux affermir telle personne. Puis Paul comprend que pour l'affirmer, il faut que quelqu'un aille lui parler. Comprenez-vous que la prière n'était pas suffisante? Oh, la prière, ça a une grande efficacité. Mais Paul dit, je vais prier pour que Dieu les affermisse. Je vais prier qu'il m'envoie les voir les affermir. Ça fait partie de la solution. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est pas, c'est, la prière, c'est pas une baguette magique durant la nuit. Je vais prier pour que Patrick soit comme ça. Puis, bon, je couche, puis je dors, puis je ne fais pas plus loin. Non, je vais prier que je puisse aller voir Patrick ou un autre, pour pouvoir la fermer. Puis en arrière-plan de tout ça, là, c'est Dieu qui agit dans Paul, ben, dans tout le monde. Ben oui, ça vient de là, ça vient de là. Mais Paul, il sait que pour lui, c'est comme ça. Lui a été affermi comment? En rencontrant, ben Jésus lui a eu le privilège parce que Jésus lui a apparu, Paul à plusieurs reprises. Donc il a été affermi. Mais ensuite, ça, il a rencontré certains apôtres, il a été affermi aussi. Donc il sait que c'est la vérité que tu entends qui t'affermit. Donc il dit, je prie pour pouvoir vous voir. On parlait de ça hier soir. Est-ce que ce serait suffisant d'avoir une église vidéo? Vous savez qu'il y a une église aux États-Unis qui fonctionne juste sur le net. Les chrétiens ne se rencontrent jamais. C'est commencé aux États-Unis. Là. Il y en a une. Je ne me souviens pas combien de milliers de membres qui sont là, sur le net. Là. Fait que la louange, tu ouvres ton ordinateur, puis tu vois le culte de louange, puis c'est vraiment, ça marche sur le net. Puis là, le prédicateur, puis pendant la partie, il y a une église à Valleyfield, Baptiste, qui sont en direct le dimanche matin. Donc tu pourrais être chez vous, puis tu écoutes, tu peux écouter, ils ont juste l'enseignement, ils n'ont pas mis la période d'adoration en direct. Mais l'enseignement est en direct. Donc tu pourrais être chez vous, puis écouter le pasteur en direct prêcher de là. Est-ce que ce serait possible? Moi, je dirais que ça a du bon. C'est un plus. Oui, c'est ça. Les personnes qui ne sont pas blessées, qui sont malades. Ça a un plus. Ça compte un certain. Oui, mais ça ne fera pas ce que ça devrait faire. Je crois qu'il y a besoin de rencontres mutuelles. Parce que le dimanche matin, j'écoute le pasteur, mais les 99 autres membres qui ont aussi des dons, comment je vais être avec eux autres? Je ne les vois pas. Donc, j'ai juste un don qui me parle. Là. C'est le don d'enseigner qui comble certains besoins. Mais les autres alentours, il n'y a pas de. Puis là, mais si j'ai une question, je ne peux pas y poser. C'est pas la même chose. Donc, mais dans ce temps-là, Paul était conscient. Le principe qu'il faut retenir, c'est que si je veux être fortifié, je dois être exposé aux Écritures. Et dans ce temps-là, c'était par d'autres chrétiens plus mûrs, plus matures, qui vont m'affermir, me fortifier, me solidifier. C'est gros bon sens. Hein? C'est gros bon sens. Ce qu'il dit au verset 3, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions. Donc, avez-vous déjà vu, quand je restais ici à Val-d'Or, dans la rue, voisin de la rue de Lawless, c'était-tu le boulevard des Pins? Oui, hein, c'est ça. Bon, dans la rue des Pins, là, mais en face du parc, là, de la tour, là, c'est pas ce que vous savez, c'est une ancienne dôme, ça. Et les maisons qui étaient là, du long du boulevard des Pins, ils ont toutes été ébranlées. Tous les salages étaient cassés, tout fissuré. Puis dans une été que j'ai passé ici, il y avait une compagnie qui travaillait sur les solages pour solidifier les solages. Fait qu'ils déterraient les maisons, puis ils mettaient des morceaux de fer, ils plantaient des pins plus creux, ils essayaient de chercher du solide. Quand tu es ébranlé, c'est que tu es fissuré, tu es craqué, tu es ébranlé. C'est que tu as un risque que tu vas tomber, tu vas t'écrouler, tu es ébranlé. Tu es menacé. Il dit, je vous ai envoyé Timothée, parce que Paul ne va probablement pas y aller à ce moment-là, pour qu'il puisse vous fortifier, afin que vous ne soyez pas ébranlés. Et qu'est-ce qu'ils ébranlaient à ce moment-là pour eux? C'était quoi? Les afflictions. Les afflictions présentes. Ces persécutions. Ces persécutions qui arrivaient. Vous savez que nous sommes destinés à cela, qu'on est dans un monde où est-ce qu'on est contraire au monde. Le monde est ténèbre, on est lumière, le monde est... ils ont pour prince le diable, nous on a pour prince Jésus-Christ. Donc on est dans un monde conflictuel, on est en conflit avec le monde dans lequel on est, mais il était ébranlé, là, pour des raisons. Et Paul dit, si tu étais ébranlé, ma tendance, il y a 20 ans, j'aurais dit, c'est parce que du péché. Paul, il dit, non, c'est parce qu'il te manque de la connaissance. C'est vrai, ça. Il te manque de la connaissance. Il dit, c'est pour ça que j'ai envoyé Timothée pour vous donner de l'information, pour vous donner de l'instruction, afin que vous soyez affermis et que vous puissiez rester debout pendant que ça chute. Avez-vous déjà vu ça dans des films ou des petits documentaires ou nouvelles? Ils vont filmer une place où il y a une tornade ou où il y a un tremblement de terre. Là, vous voyez des gens qui se tiennent après quoi qui tombent. Ils se tiennent après quelque chose. C'est tellement fort, comment est-ce qu'on appelle ça? La vague. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça chèque, là, en québécois, on dit, ça chèque tellement qu'il se tient après quelque chose qui tombe. C'est pas fort. Il dit, ouais, tu t'es pas tenu avant de prendre une bonne affaire. Tu aurais tenu à prendre un gros arbre, peut-être tu aurais branlé moins qu'après le poteau de téléphone, je sais pas quoi. Mais Paul, il dit, je veux que vous restiez debout, fort, mais il est convaincu que ça prend de l'information. Et cette information, ça vient des Écritures, ça vient de Dieu, ça vient de la vérité. Et si je vous donne ça, vous allez pouvoir vous tenir après ces vérités-là et rester ferme. Rester ferme. Parce que moi, affermir, là, comprenez bien, il veut les affermir non pas pour les empêcher de pécher. Je ne sais pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais le texte, ce n'est pas le but. Le texte, c'est qu'il reste debout jusqu'au retour du Seigneur. Parce que le texte, si vous l'avez bien vu, là, c'est que vous soyez capable de résister jusqu'à la venue du Seigneur. Il veut qu'il reste debout, parce que le danger c'est de l'affliction présente, le danger, c'est qu'il tombe et qu'il s'éloigne de la foi. C'est qu'il tombe et qu'il s'éloigne de la vérité. C'est le but, c'est ça ici. Donc il dit, Timothée revient, et là il nous donne la bonne nouvelle. Ah! Ils ont resté attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui était le but. Le but de sa requête, c'est ça. Je veux être vous voir pour que vous complétiez ce qui manque à votre foi, afin que vous puissiez persévérer dans ces moments-là de difficulté, et que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans, je vous retrouve et vous êtes encore dans la foi à Jésus-Christ. Vous êtes encore attaché à la vérité, à l'Évangile. Je ne crois pas que Paul a l'espérance qu'il va les retrouver dans 20 ans, dans 30 ans, et qu'il ne fera plus de péché. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il soit persévérant dans la foi. Donc, si je leur donne des vérités qui leur manquent, ils savent qu'ils vont pouvoir persévérer jusqu'à temps que Jésus vienne les chercher. Parce que si on a le temps d'étudier un contexte plus large, regardons, on va lire à partir du verset 11. On va regarder le contexte qui suit. Parce que tout le texte du chapitre 3, c'est l'affermissement. Au verset 2, il dit pour vous affermir. Verset 13, qu'il affermisse. C'est tout le contexte, c'est affermir les croyants. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je vais demander à Patrick si vous lire verset 11 au discours verset 13. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Donc le contexte, c'est Paul veut que les croyants soient irréprochables au jour du Seigneur. Est-ce que Paul est en train, Paul n'est pas en train de nous dire que les chrétiens ne sont pas purs par la foi en Jésus-Christ? Ils sont purs par la foi en Jésus-Christ. Mais il veut qu'ils soient fermes, stables, persévérants, jusqu'à temps que le Seigneur vienne les chercher. Donc il dit, je veux vous affermir. Et la seule façon que lui voit qu'il peut les affermir, c'est d'aller les voir. C'est d'aller leur parler, leur donner des informations, des instructions dans les Écritures qui leur manquent. Pas les conscients de ça. Et c'est pas pour rien qu'il va les écrire à plusieurs reprises, qu'il va, vous allez voir dans certains passages des Écritures, ben, j'ai écrit, comme dans l'Épître aux Colosses, je vous ai écrit aux Colosses, quand vous allez avoir fini de la lire, et probablement de la copier, vous l'enverrez à la Odyssée. Et là aussi, ils vont prendre la lettre qu'ils vont vous l'envoyer aussi. Parce qu'il y a de l'information sur les différentes lettres, épîtres qu'on a aujourd'hui, nous autres, qui sont utiles pour que vous puissiez persévérer dans la foi. C'est pas le péché qui va nous empêcher d'avancer. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Donc, il faut qu'on se partage la connaissance qu'on a acquise à travers les années. Et je m'aperçois dans ma vie personnelle et dans la vie des croyants que je côtoie, c'est souvent ça qui manque. J'écoutais cette semaine quelque chose, un enseignement qui avait été donné dans une conférence aux États-Unis. Quand j'ai été fini d'écouter l'enseignement, la seule réaction que j'ai eue, c'est vrai, la Bible. C'est vrai, la Bible. Ça t'a enfermé. Ça m'a enfermé. Fermé dans le sens que j'étais encore plus convaincu que les Écritures, ça ne venait pas des hommes. C'était impossible que ça vienne des hommes. Il y avait un Dieu au-dessus de ces hommes-là qui a donné de la révélation et de l'inspiration pour que j'aie les Écritures et que moi je puisse, des milliers d'années après, baser ma vie sur ces écritures-là. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Donc l'enseignant a réussi à me donner de l'information pour me sécuriser, pour me stabiliser, me rendre plus fort dans ma conviction que les Écritures, ça vient de Dieu. Et je crois que c'est ça que Paul voulait faire. Donc, Paul prie pour pouvoir aller voir les chrétiens, pour pouvoir se rendre proche des chrétiens, pour pouvoir les affermir, pour qu'ils puissent rester fermes, inébranlables, irréprochables, dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous les saints. Mon désir pour vous, comme votre désir pour moi, c'est de se concentrer jusqu'à la fin. Quand Jésus va revenir chercher son Église, qu'il va me trouver dans la foi. Là, dans l'attente que je suis du Seigneur Jésus. C'est ça son but. Comment est-ce que nous, maintenant, si on ouvre un peu la discussion, comment est-ce que nous, on peut prier ça? Comment est-ce que je peux prier? Moi, je ne peux pas prier pour aller voir de la même façon qu'eux autres. Aujourd'hui, l'Église est devenue un peu cosmopolite, dans le sens que les chrétiens sont en contact les uns avec les autres à travers quasiment toute la province. On peut, en tout cas, l'être si on veut l'être. Mais comment est-ce que je pourrais prier, moi, cette prière-là de Paul, de vouloir voir les croyants? Comment ça se prierait dans le quotidien d'une Église comme Val-d'Or, d'une Église comme Vitaleville? Comment est-ce que je vais prier ça? Comment, je ne vais pas dire ce que je vais dire tous les matins, « Seigneur, je te prie pour voir... » que je puisse voir Daniel un matin, je te prie, comment est-ce qu'on va prier ça? Comment est-ce que ça va être? Parce que cette prière-là, selon moi, est biblique. Comment est-ce que je vais faire ça dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours? Quelles vont être mes requêtes qui vont s'aligner avec cette demande que Paul a faite, lui, dans son temps? Comment est-ce que je pourrais prier ça un matin? Demain matin, la semaine prochaine? Comment ça va se manifester dans mes prières? Il y a comme une implication personnelle. Puis, Paul, il dit, je vais aller vous voir pour vous affermir. Donc, moi, comment est-ce que je pourrais prier pour les frères et sœurs? Si je veux m'impliquer personnellement, je peux prier que Dieu m'utilise pour les voir, pour leur parler, pour leur écrire sur Internet. Ou tout simplement que je prie que Dieu, qu'il soit, je pourrais dire, employer le terme illuminé par sa parole, qu'il soit instruit par sa parole, que Dieu leur mette à cœur de passer du temps justement devant la vérité pour être instruit. Comme ça, un petit peu voir ça. Le texte, pour moi, n'a pas pour sujet la prière, mais sujet l'affermissement des croyants. C'est ça. La prière est juste un moyen, mais on veut affermir les croyants. On peut demander à Dieu de nous aider à planifier notre temps de manière à garder du temps pour nos frères. Voilà. Ça c'en est une façon. Comment est-ce que je peux planifier mon temps? Parce que si c'est utile que je sois en contact avec les uns les autres, il faut que j'aie du temps quelque part. C'est pas chouette. On travaille comme des bons, puis on arrive le soir, puis... Ça serait le fun. Moi, je peux vous dire que je suis supposé être en retraite, puis je finis par m'apercevoir que je suis plus vraiment en retraite. Je suis en train de travailler autant que quand j'étais en retraite, dans l'œuvre de Dieu. Là, je suis rendu que, disons à la femme, je ne suis plus en retraite, il va falloir que je fasse de quoi. Mais voyez-vous, c'est ce désir-là que Paul a. Je disais à Saint-Patrick hier soir, je pense. Il y a un désir en moi de transmettre ce que j'ai appris depuis 35 ans. C'est plus fort que mon désir de retraite. C'est plus fort que mon désir. Mais je me retrouve toujours en train de parler avec des chrétiens, finalement. On va manger ensemble pour se reposer. Finalement, on s'aperçoit qu'avec la veillée, on a parlé encore du Seigneur. Je suis en train de transmettre à des plus jeunes croyants que moi ce que j'ai appris en 35 ans. Puis j'espère qu'un jour, à leur tour, ils vont le transmettre à d'autres aussi. C'est le même principe que Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le à un autre qui va le transmettre à un autre. C'est ça le but. Je ne crois pas qu'on peut prendre notre Bible électronique ou papier et dire, quand je te donne la parole de Dieu, j'ai fini ma job avec toi. Je t'ai donné toute la parole de Dieu, arrange-toi. Non, c'est pas tout à fait demain, ça marche. Il y a une implication personnelle. Comment est-ce que je peux planifier mon temps dans ma semaine selon l'âge que j'ai, les obligations familiales que j'ai, les capacités que j'ai? Comment je peux m'organiser pour rencontrer des chrétiens pour que je puisse être en interaction avec eux autres dans le but de les affermir? Parce qu'il n'y a pas juste le don d'enseignement qui affermit. Je crois qu'il y a tous les dons. L'Église s'affermit les uns avec les autres. Paul va dire ça dans Éphésiens, il dit ça ailleurs. Il veut que tout le corps soit en interaction pour qu'elle soit affermie. C'est notre personnalité à rendre parmi d'accord. Oh oui, oui, oui, oui. Parce que j'allais dire... personnalité, Dieu nous a donné chacun des dons. Parce que est-ce que je m'en ai pris avec Dieu, changera pour que j'aie le goût d'aller voir les croyants? Non. Ou est-ce que ça, si c'est naturel dans nous? Je crois que c'est important. Chacun notre personnalité. Je crois que, personnellement, que l'Esprit Saint, qui est en nous, et la nouvelle naissance qu'on a vécue, nous enligne dans cette direction. Si je n'ai pas un désir, je l'ai dit ça quand on avait fait des vidéos sur 1 Jean, si on n'a pas le désir de voir des enfants de Dieu, d'être en contact avec les enfants de Dieu, il y a un problème à quelque part. Il y a un problème. Le poisson veut de l'eau. Ouais, c'est ça. L'oiseau veut avoir la liberté pour voler, c'est sa nature. Nous, on a été sauvés. Puis il y a eu une transformation à l'intérieur de nous. Il y a cet esprit à l'intérieur de nous. Il y a des désirs qui sont là naturellement pour nous maintenant. Si j'ai aucun désir de connaître Dieu, je ne m'intéresse pas à savoir la parole de Dieu, là, j'irais un petit problème quelque part. OK. Fait que c'est pas le dire, ah ben là, il faudrait que je vois au moins un croyant chaque semaine. Non, non. Ça, c'est chacun, à travers notre personnalité, Dieu va nous utiliser. Oui, c'est que il y a un désir d'apprendre, il y a un désir de transmettre. Et le vif désir de Paul, là, c'est là, là. C'est pas quelque chose qui dit, ben, ah, ben, il faut bien que je suis chrétien, il faut bien que je vais rencontrer quelqu'un. Il faudrait bien que j'aille voir un chrétien cette semaine. Ça me tente pas, là, mais j'ai déjà dit, moi, un chrétien à la salle, un mercredi soir, il est arrivé à l'union prière. Ah, oh, il ne s'en tente pas, mais je suis venu quand même. Ben, il dit, t'aurais dû rester chaud. Je sais pas, j'ai répondu. Quand ton désir n'est pas là, tu y vas pour rien. Je dis, tu vois-tu, je dirais ça à ma blonde. Je vais voir ma blonde, ça ne me tente pas de venir te voir, mais je suis venu quand même. Elle m'a dit, mais t'aurais dû rester chaud. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais j'ai dit, tu t'en viens voir le Seigneur, tu t'en viens voir le corps de Christ, l'épouse de Christ, qui est l'Église, mais tu dis, ça ne me tente pas ça. Ben, je dis, peut-être que tu as dû rester chez vous, tu as reposé, peut-être que tu es fatigué. Moi, c'est ça, j'avais dit, ça se peut que tu aies plus de moins. Don Carson l'avait dit une fois dans un enseignement, il dit, il y a certains moments dans notre vie, le plus spirituel qu'on peut être, c'est d'aller se coucher de dormir. C'est ça qu'il dit ça. J'ai dit, yes, sir. Il dit, peut-être que tu t'en vas voir et que tu es fatigué, tu es brûlé, pour une raison quelconque, que tu es malade, je sais pas, moi. C'est peut-être juste sage et intelligent d'aller se coucher de dormir. C'est comme ça. Mais puis le lendemain matin, tu vas te lever, tu vas être en pleine forme, tu vas être désireux de faire l'effort. C'est comme ça que ça va être. Faut pas spiritualiser ce qui ne l'est pas. Et je crois que Paul ici, dans son cœur, il y a un désir qui est là, qui vient de Dieu, qui le pousse. Moi, Jésus a dit aux disciples un jour, avant de partir, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant. Mais je vais vous envoyer cet esprit. Et lui, l'Esprit, va vous pousser à vouloir le glorifier. Parce que c'est lui, l'Esprit, qui a le désir de glorifier Dieu. Comme le Fils avait le désir de glorifier Dieu. Lui, le Fils, l'Esprit qui est en nous, va nous utiliser pour pouvoir glorifier le Fils. C'est pas moi qui va stimuler cet Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va me stimuler. Il ne faut pas virer ça à l'envers. Si vous mettez la chaleur avant le bœuf, vous allez voir que la vie chrétienne est tellement difficile. Mais ça, si c'est l'Esprit est en avant de nous et qu'il nous utilise, la vie chrétienne est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à vivre dans ce sens-là. C'est pas nous qui conduisons. Non. Nous, on se fait conduire. On se fait conduire. Par l'Esprit Saint. On se laisse contrôler et conduire par l'Esprit Saint. Et je crois que l'auteur ici nous dit ça. Mettons, on prend l'exemple. Je peux prier, Seigneur, je m'aperçois que je suis tellement occupé. Je n'ai pas le temps de fréquenter les croyants, mais j'ai un désir de le faire, donc j'aimerais peut-être planifier ma vie autrement. Alors, peut-être enlever certaines choses dans ma vie, puis d'en mettre d'autres, qui vont me permettre de combler ce désir-là qui est en moi de rencontrer les frères et sœurs. Chacun y va selon les talents. Voilà. Il y en a qui vont inviter les croyants à souper chez eux. Il y en a d'autres qui vont aller donner un coup de main à faire de la construction. C'est ça. Puis le temps que tu passes avec ces personnes-là, là, tu peux drôlement soit les affermir dans l'emploi, peu importe le temps, là, que ce soit de l'aide. Et puis ça soit de la construction spirituelle. C'est comme ma fille. Ma fille qui a 4 enfants, elle a moins de temps que moi aujourd'hui, qui n'ai plus d'enfants. Donc, la période de notre vie va influencer là-dessus aussi en même temps. Mm-hmm. Jeune, j'ai 4 enfants à la maison. Elle voudrait bien sortir des fois, mais elle dit non, dans ma période de vie, j'ai d'autres priorités. Mm-hmm. Donc, c'est juste d'être sage et de dire, mais là, hier, j'étais chez elle. Hier, j'étais chez Patrick. Oui. Bon, jeudi soir, j'étais chez Rebecca à Montréal. Mais vu qu'ils ont 4 enfants, il y a des chrétiens qui s'en venaient chez eux vers 8 heures pour pratiquer la louange, parce qu'elle fait partie du groupe de louange. Donc, ils pratiquaient la musique chez eux. À 8 heures, les enfants sont tous couchés. C'est une autre façon. Donc, une autre manière, mais ça date à la vie qu'ils sont rendus, eux autres, à leur âge, à leur façon, dans les talents qu'ils ont, ils vont s'affermir mutuellement dans cette façon-là. Donc, ça, c'est une façon. Est-ce que je peux me libérer pour faire de quoi qui va me permettre d'être en contact avec les frères et sœurs? D'autres façons qu'on pourrait prier pour que l'affermissement des croyants. Selon, encore là, encore les dons, mais on voit qu'il y a juste une chose qui affermit dans nos relations entre nous autres, il faut que la vérité soit là. C'est pas, faut qu'on soit capable de parce qu'il envoie Timothée pour les affermir. Il envoie, Paul veut y aller pour les affermir. Il dit, je veux compléter ce qui manque à votre foi. Qu'est-ce qui manquait? Mais c'est dans l'information, l'instruction. C'est sûr que c'est différent, toi, rencontre que toi. Ça peut être des rencontres à la maison, ça peut être des rencontres organisées à la chapelle. Si, malheureusement, il ne peut pas avoir rencontre à cause de la distance, ça peut être un livre, des fois, avec une certaine information, une certaine donnée. Mais nous, on a des différentes possibilités aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans le temps. Nous autres, je peux être affirmé de différentes façons. Un exemple, un jour, il y a deux semaines à peu près, il y a une amie à nous autres qui est chrétienne, que sa mère est décédée. Donc, on était six, on a décidé de ne pas aller au salon funéraire, mais on l'a invité le couple chez nous, chez un des chrétiens, on a mangé ensemble. Toute la gang qui était là. Et là, on a partagé, parce que tous les ceux qui étaient assis autour de la table ont perdu des êtres chers qui sont morts sans être sauvés. Puis on a s'est mis à partager comment est-ce qu'on vivait ça. Comment est-ce qu'on avait vécu ça. Les joies, les tristesses, les questionnements qu'on avait eus. Et là, à un moment donné, tout le monde est autour de la table, tout le monde pleure. Mais elle, quand elle était finie, là, elle était affermie. De voir comment est-ce que les autres chrétiens avaient vécu ça. Comment est-ce qu'elle avait, quelle vérité les ont encouragés à travers ça? Quel passage biblique qu'ils avaient lu, qui les avait donné de pouvoir même glorifier Dieu à travers ces moments-là difficiles de leur vie. Donc, ça a été un temps d'affermissement, malgré qu'on est en train de manger, puis qu'on est en train de partager une séquence de la vie bien particulière. La mort de quelqu'un qu'on aime, qui ne connaît pas le Seigneur. Qui n'est pas sauvé. Je vous garantis que c'est pas évident. Pas évident. Puis on a partagé en même temps quelques pensées sur qu'est-ce qu'on vivait quand on a perdu un être cher qui était chrétien, de voir la différence entre les deux. Comme il y a un des frères, lui, il a perdu ses deux parents au printemps, un mois et demi de différence, sa mère était croyante, son père n'était pas. Il dit toute la différence que ça faisait. De savoir que un était avec Dieu, et l'autre. Puis on voyait que c'était difficile de dire, on disait, il n'est pas avec Dieu. C'était dur de dire, il est en enfer, ou il souffre, ou il est séparé de Dieu pour l'éternité, il ne sera jamais là. On trouvait ça pesant. Puis on s'aperçoit que les croyants, moi dans mon message, je me suis aperçu que les croyants qui perdent des êtres chers, qui ne sont pas sauvés, on a tendance à vouloir s'encourager, s'édifier avec des non-vérités. Ah, peut-être, au dernier moment, peut-être qu'il a cru, puis on ne l'a pas dit. On essaie de s'encourager avec des fausses espérances. Et on a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne nous a jamais dit qu'il était croyant. Il a préparé son service, la façon qu'il a préparé son départ, il l'a préparé comme quelqu'un qui ne croyait pas. Donc pourquoi nous autres, on voudrait se consoler avec des vérités qui ne sont pas là? Consolons-nous plutôt avec des vérités qui sont dans les Écritures. Édifions-nous, glorifions le Seigneur. Et là, on s'est édifié. Tout ce que je voulais vous dire, là, que pendant cette période-là de sa vie, une semaine, les chrétiens ont été présents. On a eu des emails, on s'est encouragés, on a prié les uns pour les autres. Dans ce moment-là de sa vie à elle, qui vivait une expérience pas facile. Et puis je vous dis, des fois, c'est ébranlant. Là, il dit qu'il était ébranlé par les persécutions. Mais ça devient des fois quasiment ébranlant de prier pendant 20 ans, 30 ans pour un parent qui ne s'est jamais converti, n'a jamais fait profession de foi. Finalement, il est mort dans l'incrédulité. Ça peut être ébranlant de dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas répondu? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas sauvé? Des fois, ça peut être culpabilisant. Peut-être parce que je n'ai pas été assez de bon chrétien. Peut-être que je n'ai pas assez témoigné. Peut-être que je n'ai pas... Et là, cette madame-là m'a dit qu'elle avait écouté des vidéos que j'avais faites. Puis elle dit, à cause des vidéos sur l'élection et la prédestination, elle dit, je savais, si elle n'est pas sauvée aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'était pas prédestinée. C'était pas, elle avait peut-être élue. Elle a manqué l'information. Mais par les vidéos, elle s'est consolée avec ça. Okay. Elle dit, j'étais capable de faire face à cette période-là. C'est pas à cause que j'étais bonne ou pas bonne chrétienne. C'est que s'il n'est pas marqué dans le livre de vie, il n'est pas marqué dans le livre de vie. S'il n'est pas élu, il n'est pas élu. Puis je ne peux pas y en vouloir à Dieu de ça. Mais la tendance, ce que j'avais eu comme tendance avant, c'est est-ce que j'ai été une bonne chrétienne? Est-ce que j'ai prié assez? Est-ce que j'ai eu un bon témoignage? Est-ce que j'ai... Et là, la tendance à se culpabiliser. Parce que on essaie de trouver un moyen pour se consoler. J'ai dit, la seule consolation qui est valable, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut aller à la vérité. Et d'accepter d'être devant Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui as fait le plan, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as organisé, c'est toi qui as orchestré. C'est parfait. C'est correct. C'est correct. Mais c'est pas toujours facile. Regarde, c'est pas toujours facile dans ces moments-là. Il y a tout un monde. Là, il y a toute ta femme et ta famille, elle, avec ses frères, ses sœurs, qui disaient « Ah, oh, enfin, elle ne souffre plus. Ah, oh, enfin, elle est correcte maintenant. Ah, oh, maintenant, elle est devenue un ange. » Là, il y a toute cette confrontation-là qui arrive. Puis toi, tu es le seul croyant dans toute ta famille. Et là, tu dis « Ouhou, comment je fais ça? Comment je parle avec tout ce monde-là? Qu'est-ce que je leur dis dans ces moments-là? » Là? Non, elle n'est pas un ange. C'est un être humain. Elle ne sera jamais un ange. Elle ne sera jamais un ange. On est créé ange. On n'est pas créé. On ne devient pas ange. On est créé ange. On est créé humain. On ne devient pas des anges. Et là, mais là, c'est-tu de bon temps de dire ça? Mm-hmm. C'est trouver la sagesse, le truc de. Que, mais tout pour dire que pendant ces temps-là, nos prières étaient dirigées vers cette croyante-là, ou ce croyant-là, ce couple-là, pour qu'il soit édifié, affermi, pour qu'après cette expérience-là que Dieu a permis dans leur vie, parce que c'est bien Dieu qui donne la vie ou la mort, ils soient fermes, qu'ils continuent à aimer le Seigneur, à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur à travers tout cela. Et c'est à ça le but. Le but, c'est que si le Seigneur vient les chercher, eux, dans une semaine, ils sont restés dans la foi. Ils sont inébranlables dans la sainteté. C'est ça qui est pas réussi. Donc, voyez-vous que pendant ce temps-là, notre prière, c'était « Seigneur, donne-nous la grâce de garder la foi. Donne-nous la grâce de ne pas se rebeller. De ne pas se culpabiliser pour rien. Donne-nous la grâce de rester attaché aux vérités des Écritures. Donne-nous la grâce d'être sage, comment avoir partagé sa foi dans ces moments-là. Et ça, elle était triste comme les autres, elle pleurait comme les autres, c'était correct, hein, mais pas aigrie contre la vie, pas aigrie contre quoi que ce soit, en paix avec elle-même. Et c'était là que les chrétiens sont venus et ont joué un rôle à ce moment-là. Dans ce moment-là, on n'avait pas pensé à ça un mois avant, mais Dieu, lui, a dirigé les événements. Nous, on s'est ajusté aux événements que Dieu a mis dans notre vie, à travers, parce qu'on la connaissait. Vous ne la connaissez pas, je n'ai pas pu prier pour les autres, mais nous, on la connaissait. Et l'Église, elle entrait en action. Là. Puis les autres finissent, ils sont passés à travers l'événement, et je crois qu'ils sont plus forts là qu'avant. Je crois qu'ils pourraient dire, comme Job a dit, j'avais entendu parler de Dieu, maintenant je l'ai vu. Je suis plus fort qu'avant. Je connais mieux Dieu maintenant. Je crois qu'à travers cette expérience-là, ils ont été affermis. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est pas qu'ils pleurent pas. Le but, c'est pas qu'ils... C'est que, hey, Dieu avait un plan, il l'a accompli, et il s'est glorifié à travers ça. Il m'a utilisé pour le glorifier. Il m'a utilisé pour le louer à travers tout cet événement-là. Et elle était encouragée par le... Comment j'avais ça? Elle avait besoin de l'Église à ce moment-là. L'Église était là, à ce moment-là, dans sa vie. Elle avait un besoin spécial, l'Église. Et c'est souvent ça qui va arriver. Vous avez une Église, vous avez une petite Église ici. Là. Vous avez une Église de 300, 400, 500. Là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a juste une petite gang qui va être en entour, qui la connaissent, qui sont amis avec, qui vont... L'Église, elle va prier souvent à large, là, mais... Seigneur, réglait, puis ils ne savent pas trop plus, parce qu'ils ne sont pas en lien. Moi, ce couple-là, je les vois tous les vendredis depuis 10 ans, ou après. Enfin, je suis très intime avec eux. Donc, c'est nous autres qui sommes entrés en contact avec eux autres. Et je crois que Paul avait un désir ardent, parce que Paul avait commencé l'Église à Thessalonique. Il connaissait intimement ces chrétiens-là. Donc, je crois que mon désir de prière pour ce couple-là était plus fort que si quelqu'un, un chrétien, mourrait, je ne sais pas, dans une autre église que je connais, mais juste comme ça. Je vais la prier. Des fois, il y en a qui me... Je vois des emails, des nouvelles. Ah, prier pour un tel, sa mère est décédée. Ouais. Je vais m'arrêter, je vais prendre un temps de prière, mais il n'y a pas la même force, il n'y a pas la même intensité. Parce que je ne connais presque pas, puis sa mère, je ne la connais pas partout. Donc, c'est moins... Je prie pareil, mais ce n'est pas la même intensité. Vous comprenez? Donc, le but, c'était d'affirmer la sœur. Je crois qu'on on l'a fait pendant ce temps-là. Donc, vous étiez présent avec elle, elle avait besoin de la relation. Oui, oui, oui. Puis affirmée par les Écritures, par la... Par les vérités qui se sont dites, là, puis les vérités qu'elle avait entendues avant, elle l'avait affirmée assez pour qu'elle puisse passer au travers de la situation, gardant la foi. Gardant la foi. L'important, frère et sœur, c'est de mourir dans la foi. Hein? Tu peux même faire n'importe quoi dans ta vie, là. Tu peux même dire n'importe quoi, là. Tu peux même dire que tu as fait des miracles, tu as eu des visions, ça change rien, là. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu meurs dans la foi? C'est ça qui est important. C'est ça. C'est ça que, dans le fond, le restant est très, très secondaire. Très, très secondaire. Et c'est pour ça que vous allez voir Paul dans toutes les épîtres arriver et dire ce que je veux, c'est vous affermir, c'est vous affermir, c'est vous affermir, c'est vous affermir. Puis je vous encouragerais à faire cette étude-là en groupe un mercredi ou un dimanche. Prendre le mot affermir dans le Nouveau Testament. Avec une concordance, une sorte de regardez la force que ça a. Dans les apôtres, surtout, là, c'est encore plus présent. Paul affermissait l'Église. L'Église était affermie par l'enseignement des prophètes. C'était toujours lié avec l'enseignement des Écritures. Toujours. Et on n'est pas tous des enseignants. Mais on connaît tous les vérités bibliques. Et si tu rencontres un frère ou une soeur qui est dans un besoin, des fois, juste une parole, juste un verset qui est décidé, ça peut être assez pour l'affirmer à ce moment-là. Ça peut être assez pour l'affirmer à ce moment-là. Donc, ça, c'est un autre moyen. Tu côtoyais, tout de suite, là, on était en ligne, là. Puis on avait, comment est-ce qu'on avait? On avait planifié quoi, là? On avait planifié une activité, un groupe, mais on a cancellé l'activité pour être avec ce couple-là. Nous, on a fait ce que tout avait. On a prié pour nos priorités sur la bonne place. C'est moins important ça pour le moment. On met ça de côté, on prend ce couple-là, puis on s'occupe de ce couple-là cette semaine. C'est eux autres la priorité. On a tassé nos activités de sport, qui est pas mal de faire du sport, mais on est capable, par la grâce de Dieu, de dire c'est moins important ça, je fais ça là. C'est moins important ça, je fais ça. Ça, c'est plus important à ce moment-ci. Donc, ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'aide de Dieu pour faire de voir clair, dire, mais ça c'est moins important, moins important. Je sais bien qu'on planifie notre vacances pour aller des maritimes, mais si un de mes enfants se rend sur l'hôpital la veille, on va casser les voyages pour aller se ramasser à l'hôpital, on va s'occuper de ça, là. Donc, c'est la grâce de Dieu qui va nous le montrer à ce moment-là. Quelle autre façon qu'on pourrait prier pour l'affermissement? Là, Paul dit, moi je vais aller vous voir. Ça, c'est sa façon à lui. Je vais aller le voir. Mais quelle autre façon on pourrait prier dans l'Église? Là, on dit, bien, on prie pour... Seigneur, donne-nous du discernement, je vais tasser certaines activités, nous en faire d'autres, pour d'être affermi. Parce que tu ne peux pas rendre les gens plus fermes que quoi? Que tu l'es toi-même. Si toi, tu es tout chambranlant, puis je ne me pogne après toi, mais je vais branler avec toi. Tu sais, on va tomber tous les deux ensemble. Mais tu ne peux pas affermir la personne plus que toi, tu es affermi. Mais si c'est affermi, si tu as une vérité que tu comprends bien, tu ne vas pas la donner à l'autre. Mais comment est-ce que tu vas... là, je viens de le dire quasiment indirectement. Comment je pourrais prier, Seigneur, donne-moi la capacité de m'affermir, moi. Seigneur, je voudrais être plus fort, moi, dans ma foi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour être plus fort dans ma foi? Est-ce que je peux passer du temps à écouter une vidéo, à lire les Écritures, à lire un livre chrétien, pour moi, où? D'être côtoyé. Je ne sais pas, j'avais déjà fait ça, j'ai déjà dit ça à un jeune chrétien une fois. Je dis, prends ce vieux chrétien-là, là, tiens-toi avec lui. Puis mec, t'as tout sucé ce qu'il avait à donner, là, laisse-les là, prends-en un autre. Un autre qui va t'en donner. Parce que faut que tu continues ton cheminement. Il dit, si lui, il t'a tout donné ce qu'il avait à te donner, prends un autre qui est plus vieux. Va plus loin. Prends un autre qui va t'emmener un peu plus loin. Donc, je peux prier, Seigneur, aide-moi à m'affermir moi-même en lisant, en étudiant, en écoutant une vidéo, en écoutant une émission de télévision, en allant à une réunion, en allant à une conférence. Je vais m'affermir. Donc, étant affermi, plus, je deviens un instrument pour t'affermir. Donc, c'est ça une autre façon de prier. Seigneur, j'aimerais être affermi. Juste de prier, c'est la même, dans la même direction. Seigneur, je suis en train de lire. Affermis-moi pendant que je lis mes Écritures. Affermis-moi pendant que je lis le livre que je suis en train de lire qui parle de tel sujet. Je vais écouter une vidéo, je vais aller. Je parle souvent de vidéos parce que c'est tellement accessible maintenant, partout. Vous pouvez écouter les. Moi, je me réjouis, en tout cas, je peux m'asseoir. Puis, il y a des hommes qui sont. Ils ont des connaissances phénoménales. Ils ont passé 30, 60. Le jour où j'écoutais un bonhomme, ça faisait 60 ans qu'il étudiait les Écritures. Je me suis assis et j'écoutais. Tu sais, je me dis, tu as certainement quelque chose à me dire que je peux apprendre. Ou peut-être que je le sais, puis tu vas me donner une petite. Tu vas la virer un petit peu, tu sais. Après ça, tu vas virer le diamant, tu vois un autre éclat. Tu sais, là, c'est la même vérité, mais il te l'a fait juste virer. Tu dis, ah, j'avais pas vu ce petit bout-là. Là, tu es juste plus fort, juste plus ferme dans ta foi. Et là, tu rencontres un autre chrétien, tu lui dis, donc, hey, j'ai écouté ça, j'ai vu ça. Ah, l'autre est affaimé à son tour, et ça fait la boule de neige. Ça, c'est toutes des petites manières, ça, de prier. D'autres choses, vous pouvez me dire qu'on pourrait prier pour être affermi. Ou pour pouvoir affirmer d'autres quêtes qu'on pourrait faire. Ben, que Dieu nous inspire dans nos conversations. Oui. Pour avoir la bonne parole. Oui. Oui. Qu'on puisse, on va dire à part, mais qu'on puisse aimer de plus en plus la façon de Dieu. Aimer les autres, les croyants, les non. Oui, mais si on le met dans le contexte de l'affermissement, comment ça se fait? Il nous donne de trouver ce qu'on a besoin pour être affermi. Oui. Oui, que Dieu, tu peux dire, on reçoit l'enseignement de partout. Tu pourrais dire que Dieu affermisse ou qu'il instruise la personne qui nous affermit, la personne qui nous instruit, qui nous enseigne. Ça va finir par sortir. Okay. De prier pour ceux qui nous enseignent, finalement, pour qu'on soit affermi. Parce que si je prie pour le gars soit affermi par. Ses études, ben, il va pouvoir m'affermir à mon tour quand il va me parler. Ben, je peux prier pour ceux qui sont en charge de l'enseignement dans l'Église. Ou ailleurs, je pourrais prier pour d'autres personnes que je connais qui enseignent, puis je peux avoir à cœur. On sait bien, peut-être comme moi, on ne peut pas prier pour tout le monde. C'est bien facile de dire, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui enseignent au Québec. C'est très large, ça fait pas grand-chose de réel. Là. Il y a des gens qu'on a à cœur, qu'on peut prier avec une extrême ardeur, parce qu'on les connaît plus. Moi, quand j'ai entendu que, des fois, j'entends des choses que mes enfants vivent, je garantis que l'ardeur est plus forte. Des fois, on se couche un peu plus tard parce qu'on pense plus à ça. Des fois, on dort un peu moins. Vous autres, vous ne m'empêchez pas de dormir, mais des fois, mes enfants m'empêchent de dormir. Les sentiments ne sont pas pareils. C'est correct, c'est normal, c'est parti de la game. Des fois, il y a des choses dans l'Église où des gens, des chrétiens qu'on connaît, qu'on va avoir un fardeau pour prier pour eux autres plus, parce qu'on les connaît. D'autres façons de prier, il y aurait une autre façon, c'est, Seigneur, est-ce que je peux investir ou de prier pour donner financièrement à des jeunes qui étudient pour enseigner? C'est une autre façon. Il y en a peut-être d'entre vous autres ou dans l'Église qui ont des dons de donner, puis ils vont être dans la même direction. Ils vont prier pour l'affermissement de l'Église, mais leur façon à eux autres d'investir, c'est que, bon, je vais donner de l'argent à cette telle personne-là ou cette telle école-là pour qu'ils puissent instruire les enseignants, pour qu'ils puissent affermir l'Église à leur tour. C'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de prier dans la même direction qu'ici. Je veux l'affermissement. Il y a différents angles sur lesquels je peux le prendre. Moi-même, l'autre côté, l'autre qui enseigne, l'autre qui... Lui, je le vois, je vais y acheter, je ne sais pas, je vais lui payer un cours à Sandbeck. Ça va être une façon que lui s'affermisse, qu'il devienne, qu'il va, tout ça va affirmer d'autres chrétiens. Moi, je connais des ministères que moi, personnellement, je suis poussé à donner financièrement parce que je vois l'impact qu'ils ont dans le monde. Par leur ministère, je me dis, bon, je suis prêt à investir un peu d'argent par année pour que ce ministère-là continue. Prends le John MacArthur que tu connais, là. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un clic, 1 million de clics, ça c'est par semaine, sur le site internet de John MacArthur. C'est du monde, ça. Qui vont aller écouter de l'enseignement, voir des vidéos d'enseignement, qui vont aller prendre des cours. Que, je me dis, ils ont un impact mondial. Puis des fois, je peux avoir à cœur. Cette semaine, je lisais une lettre qui m'avait été montrée par des chrétiens qui écrivait, il avait écrit une lettre à Renewing Your Mind avec R.C. Sproul. Le gars écoutait R.C. Sproul sur Internet et il était édifié, il était affermi. Il écrivait une lettre à Sproul, le remercier, le rendre grâce à Dieu pour le ministère que cet homme-là. Je n'ai pas demandé, c'était pas mon affaire. Je n'aurais pas été surpris qu'elle ait mis un chèque dedans pour que le ministère continue et que d'autres soient affermis. Parce qu'on sait que ça prend de l'argent et ça fonctionne. Ça. On sait que ça prend de l'argent pour avoir des stations de radio, puis des sites, des ça. Ça fait partie. Il y en a qui vont avoir ça encore. Vous vous souvenez du frère Amoré Héron? Arnold, il disait, moi, je n'ai pas le don d'enseigner, mais j'ai le don de faire de l'argent. Puis il payait le salaire de ses deux frères pendant 30 ans. C'est de l'argent, ça. C'est deux frères d'un salaire. Il payait le salaire des deux. Voilà. Pendant des années, il fait ça. Mais c'est à sa façon à lui. Et à cause de lui, parce que ses frères pouvaient faire ça à plein temps, il y a des gens qui ont été affermis dans leur foi. C'est tout. Le Seigneur est puissant. Ben, il est pas mal intelligent. Hein? Moi, je dis que. Moi, je peux vous parler. Ça, je suis pas encore humain. Je parle, mais il y a un paquet. D'organes à l'intérieur de moi qui sont en fonction pour que je puisse vous parler. Hein? On sait des centaines de muscles, des millions de petits neurones à l'intérieur qui fonctionnent, qui sont tous en fonction pour que je puisse vous parler. Puis dans le corps de Christ, c'est pareil. C'est ça qui, des fois, ça m'émerveille. Je m'assieds, je regarde l'œuvre de Dieu à travers le Québec, à travers le monde. Je me dis, il y a plein de chrétiens qui font plein d'affaires qu'on ne saura jamais pour que le pasteur parle de même. Ou que le gars là-bas écrit son livre et que des milliers vont lire. Mais ces chrétiens-là, on ne les connaît pas, là. Mais ils sont en fonction. C'est ça que Paul dit dans Corinthiens. Il dit, il y a des parties du corps qui sont plus visibles que d'autres. Il y a des parties du corps qui sont moins visibles que d'autres. Mais on en a besoin. Si on enlevait ces parties-là du corps, vous verriez François là, puis il ne parlera plus. Putain, Dieu, voyons, c'est pas qu'il ne parle plus. Il y a un paquet de petites choses qui ont été enlevées dans mon corps, puis je ne suis plus capable de parler. Mais dans l'Église, c'est pareil. Donc, je veux affermir, je prie de différentes façons. Je prie pour avoir la sagesse, pour choisir mon temps. Je prie pour que je puisse, le gars qui enseigne, je vais prier pour que moi, j'ai du temps pour m'affermir moi-même, pour pouvoir affermir les autres. Je vais investir, je vais prier pour Seigneur, donne-moi de la sagesse, je veux être affermi, je veux être plus stable. Donc, comment choisir qui va m'enseigner, quel livre lire, quand je vais aller prendre des livres, pour que je ne sois pas ébranlé par le livre que je lis, mais que je sois affermi, parce que ce soit vraiment biblique ce que je vais lire. C'est toutes des prières qui vont dans la même direction ici que Paul. Lui, en disant, je veux vous voir pour compléter votre foi. Qu'est-ce que je peux faire avec mes enfants? Quand j'ai des petits-enfants, des jeunes enfants, comment est-ce que je peux leur donner de l'enseignement? Comment est-ce que je peux compléter leur foi? Il y a toutes sortes de manières de faire ça. Mais le résumé, c'est ça. Comment est-ce que je peux prier, non pas pour des choses banales, comme je dirais, mais des choses importantes. Et une des choses importantes, c'est l'affermissement des croyants. Afin qu'il soit stable, ferme, inébranlable au jour du Seigneur. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse se donner la main et qu'on monte en même temps. Le restant, c'est pas mal secondaire. Mais ce qu'on puisse être là, que le jour où le Seigneur va aller chercher l'Église, qu'on soit tout là et qu'on monte ensemble, on a tout fait jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné la grâce de continuer jusqu'à la fin. Et c'est tout ce qui était. On ne gardera pas où est-ce qu'on était à l'église, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On a juste gardé la foi jusqu'à la fin. Et c'est ça qui était important. Et si j'ai ça comme ambition pour moi, puis j'ai ça comme j'ai ambition pour vous, vous allez voir, ça va changer votre optique de vie chrétienne. Ça va changer la dynamique. J'ai comme but que vous soyez là quand Jésus va venir. Vous soyez juste là. C'est ça que j'ai comme but. Vous encourager, vous édifier, vous soutenir, vous encourager, vous instruire, pour que dire, je suis là jusqu'à la fin. Et quand Jésus va venir, je vais être là. Je vais monter avec vous autres. Des fois, je trouve qu'on est tellement arrêté à ce qui se passe, puis des petits détails qui sont moins importants que le grand but de la vie chrétienne, dans ce sens-là. Avez-vous d'autres partages que vous voulez dans cette direction-là pour les prières, dans ce sens-là? Comment on peut aller dans la même direction que Paul, que nos prières ressemblent, qu'on ait le même accent, le même saveur, la même odeur que Paul dans nos prières, que Jésus lui-même, dans le fond. C'est... L'idée, c'est d'aimer les autres, mais plus je vais connaître Dieu, plus je vais mieux, je pourrais dire mieux je vais aimer Dieu, ou plus je vais le connaître, plus je vais aimer les autres, ça va ensemble. Hein? Dans le sens que là, on a dit, vous soyez affermis, c'est à cause de l'amour de Dieu qui est oui, oui. Donc, il y a cet aspect-là de révèle-toi de plus en plus à moi que je suis. Oui. C'est comme on a vu la dernière fois, augmente mon amour pour Dieu, automatiquement, ça va être dans cette même direction-là. Là. Ça va aller dans la même direction. Je ne peux pas augmenter mon amour, on a vu l'esprit l'autre fois. Je ne peux pas augmenter mon amour sans augmenter ma connaissance. Mm-hmm. Je augmente ma connaissance, je deviens plus faible. Je deviens plus faible, je peux affirmer les autres. Mm-hmm. Ça se tient tout, ça. C'est tout un... Je vous l'avais dit la dernière fois, vous allez voir, mais qu'on ait fait les 6 prières de Paul, Paul prie pas toujours la même affaire. Il veut tout le temps que les chrétiens comprennent bien. Ils saisissent qu'est-ce qu'ils croient, en qui ils croient. Est-ce qu'ils comprennent bien ce que Dieu... Moi, j'ai vu tellement de chrétiens qui sont déçus, puis j'étais un peu là aussi pendant une période de ma vie, tellement déçus de la vie chrétienne, que je ne comprenais pas bien c'était quoi la vie chrétienne. Là, je vous parle de ça parce que j'ai vécu ça la semaine passée, ça s'est fait dans ma mémoire. On est en train de planifier notre voyage dans les Maritimes. Là, j'ai dit à mon chum, « Hey, t'es bien sûr là, qu'on s'en va là pour la même raison? Qu'est-ce que tu t'en vas faire des Maritimes, toi? » Faut pas qu'on soit déçu rendu là-bas. Ouais, mais c'est pas ça que je pensais qu'on m'a fait ici, moi-là. Là. Moi, je m'en vais pas me masser sur la plage. Je vais passer mes journées assis sur la plage. C'est pas ça que je vais faire. C'est ça que tu vas faire. On va passer chacun de notre part. C'est pas mal ce que tu veux faire, mais on s'en va plus en vacances ensemble. Là. C'est un peu la même idée. T'sais, qu'est-ce que tu veux faire, toi, rendu là-bas? Qu'est-ce que... Notre but, c'est toutes les deux. On a deux Mustangs convertibles. Tout ce qu'on veut faire, c'est de se promener du long de la mer en Mustang. C'est ça qu'on veut faire. Vous parlez de ça avec ta femme? Non, chacun nos femmes, puis chacun nos Mustangs. Puis là, on part, puis on s'en va se promener. Donc, tous les chemins qu'on a choisis, c'est du long de la mer, des montagnes, des petits chemins de campagne. C'est tout ce qu'on veut faire. Là, j'ai dit, on va passer 5-6 heures par jour dans le Mustang à se promener, voir, arrêter, manger un petit peu, vendre un petit peu dans le Mustang. Il dit, c'est ça que je veux faire aussi. Bon, les femmes, oui, on y aurait pas au centre d'achat. On dit, avez-vous bien compris, c'est ça. À moins qu'ils se mettent à pleuvoir. Là, on va faire autre chose. Mais, il dit, ouais, mais ça, t'es donc au centre d'achat. Mais tu voulais voir, c'est ce que je veux dire. Des fois, on est déçus de la vie chrétienne parce qu'on ne comprend pas bien c'est quoi que Dieu veut faire avec nous. Tu vois un camion de terre, ils m'ont dit que tu ne vas pas là, mon ami. Ah non. À moins que le chance soit brisé. Non. J'espère que faire un autre bruit, j'arrête de dire. En tout cas, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne bien. C'est important. Et puis on est moins déçus. On est moins je dirais frustrés. Des fois, c'est ça, des fois on a des fausses attentes. Non. Si on ne comprend pas bien, c'est quoi la chrétienne. C'est un bon sujet de prière. C'est tout ça, c'est toutes ces petites affaires-là qui fait que tout d'un coup, je vois la vie chrétienne, je vois les affaires d'arrivée dans ma vie, on dit non, c'est correct, c'est ça que Dieu avait dit qu'il arriverait. T'sais, comme tout à l'heure, il dit là, au lieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Est-ce peut-être qu'il pensait que ça n'arriverait pas à cela? Il dit, vous savez qu'on est destiné. C'est ça que Dieu avait dit qui arriverait. Si vous le savez, vous ne serez pas déçu. Si vous le savez, vous ne serez pas frustré. Si vous le savez, vous ne serez pas en colère contre Dieu. Vous ne vous posez pas de questions. Ah, oh, si je suis un meilleur chrétien, ça n'arrivera peut-être pas. Si je prierais plus, ça n'arrivera peut-être pas. Non, il dit, vous êtes destiné à ça. C'est ça que Dieu avait planifié pour vous. Ah, oh, alors, là, je suis correct, là. Je ne suis pas déçu, je suis pas traumatisé, je suis pas... C'est comme je regarde la météo. Ah, je sais, il va pleuvoir après-midi. Oui. Ah, ça arrive, ouais, moi, je suis moins déçu. Moi, j'ai monté la fin de semaine, puis je regardais la météo, il annonçait de la pluie quasiment toute la fin de semaine. C'est à peu près ça qu'il va faire, pas partout. Tu t'attends à ça. Mais là, ça, c'est pas sûr. Mais si c'est Dieu qui nous donnera la météo, ça sera sûr à 100%. Puis là, on sera, dire, il va pleuvoir demain, on planifie pas de pique-nique, on planifie pas de faire rien. Dieu nous l'avait dit. Mais je crois qu'on est tous, c'est important qu'on comprenne bien c'est quoi la vie chrétienne. Quel est le plan de Dieu avec l'Église ici-bas? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie chrétienne? Qu'est-ce que Dieu s'attend qui va se passer dans ma vie chrétienne pendant que je suis là? Qu'est-ce qui va arriver quand je vais partir de ce monde, aller au bord? Qu'est-ce qui va se produire? Si je le sais et que je comprends bien, mais je fonctionne mieux. Je fonctionne mieux. Parce que pourrais-tu qu'un chrétien aspire plus de sa vie chrétienne que Dieu aurait pour lui? Non. Je crois pas plus, mais je crois que des fois on aspire. Mais tu dis mal. Ben mettons, un chrétien doit aspire à une vie chrétienne dont il se sent comme un peu obligé d'avoir parce qu'il en voit d'autres qui gravitent autour de lui, okay. Puis ça roule comme ça, là, puis que lui voudrait comme être comme ça. Mais que dans le fond, oui, c'est ça que Dieu a pour lui. Ça, je comprends ça pour toi. Là. On peut se vouloir plus ce que Dieu a planifié pour nous autres, ou organisé pour nous autres, ou ce qu'il voulait pour nous autres. Ça, je suis d'accord avec toi. Des fois, on aspire à faire de quoi pour Dieu que lui n'a pas planifié pour nous. Ouais. Et là, on vient frustré. Ouais. On vient jaloux, même. Mm-hmm. Moi, j'ai vu des. Ça, les pasteurs, on était fort pour ça. Jaloux du ministère de l'autre, qui a plus de succès que toi. Qui a eu une église, lui arrive, l'église à passe de 50 à 200. Toi, t'as cette église, t'es arrivé, t'es à 50, puis 10 ans après, t'es 30. Là, tu regardes l'autre pasteur, tu dis, qu'est-ce qu'il y a de plus que lui? Tu sais, il me semble, on ne prend jamais un rangé. Est-ce que Dieu aurait pu planifier deux choses différentes? Mais regarde ça, il y a 1 million de clics sur son site. François, il n'a pas 1 million de clics sur son site. S'il y en a 100, c'est beau. C'est pas grave, il y a de la poutine. Mais, moi aussi, je veux dire, je pourrais bien dire, je vais-tu être jaloux de l'autre? Mais non, je devrais plutôt m'en réjouir de l'autre. De ce sens-là. Mais si j'évalue les résultats de mon ministère avec ce qui je suis en tant que chrétien, je ne sais pas que je sois tout troublé. Là. Mais si le Seigneur a pour plein dans ma vie que moi je vais être ministre ou pasteur ou responsable d'une église de 30 toute ma vie, fantastique. Je suis heureux là, je fonctionne. Mais pourquoi je voudrais avoir une église de 300 au lieu de 30? C'est pas juste pour faire ma valorisation personnelle. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un rôle d'affermissement. Et on sait que c'est Dieu. Parce que si vous allez voir, quand vous allez chercher le mot affermir, là, Paul va dire, je pense que c'est 80, pas loin du 80%, que c'est Dieu qui a fermé les croyants. Mais pourtant, Paul, il dit, moi j'aimerais aller vous voir pour vous affermir. Mais il sait très bien qu'il n'a pas le pouvoir d'affermir. Mais il sait que s'il prêche la parole, Dieu va utiliser ça pour affirmer les croyants. Parce que Paul dit, je prie pour celui qui peut vous affirmer. Hein? Nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs. Le mot qu'il, c'est qui, là? C'est Dieu. Le verset 13. Et que le Seigneur fasse croire et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs. Qu'il, c'est Dieu qui affermisse vos cœurs. C'est Dieu qui a fermé les gens, tout est. Mais, c'est comme on dit, c'est Dieu qui sauve les gens Mais savez-vous que Dieu, il faut qu'on prêche l'Évangile. Dieu va nous susciter le désir de prêcher l'Évangile. On prêche l'Évangile, Dieu va sauver des gens. Dieu a fermé le cœur des gens, des croyants, mais il faut que quelqu'un enseigne les Écritures. Et Dieu va se servir de ça. Mais finalement, le prédicateur et celui qui est affirmé vont rendre gloire à qui? À Dieu. Ils ne rendront pas gloire au gars là, qui a péché. Donc, essayez de voir dans vos temps de prière. Bon, Paul y prie pour l'affermissement de l'Église. Lui, sa méthode, c'était d'aller les voir. Moi, c'est quoi que je fais? Moi, en tant que chrétien, à Val-d'Or, ou à Victor-Évêque, ou dans peu importe où ce qu'on est. C'est là qu'on va prendre notre personnalité, nos dons, nos talents. Je veux être affermi, tu ne pourrais pas désirer l'affermissement de l'Église si tu ne désires pas l'affermissement pour toi-même. Ça serait idiot, là. C'est pas logique. Mais si j'ai un désir de m'affermir, automatiquement, je vais avoir ce désir-là pour les faire ça aussi. Il dit, c'est quoi je vais faire? Là, je vais prier dans cette direction-là. Bon, mais moi, c'est ça. Moi, les dons que j'ai, c'est ça. Les capacités que j'ai, c'est ça. Les dons. Puis là, je vais prier dans cette direction-là. Pour faire ça. Pour pouvoir que l'Église soit fermée. Donc, et c'est ça que. Un des sujets prières de Paul. Un des sujets prières de Paul. Alors, on va en voir d'autres. C'est vraiment intéressant, c'est la ça nous a fermé. Moi, en tout cas, personnellement, quand on comprend des choses de même, on vient plus stable, on vient moins tu entends quelqu'un parler, tu dis, non, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est ça. Donc, on est moins ébranlé par les événements de la vie, par les enseignements qu'on pourrait entendre de d'autres. Non, les Écritures, c'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit, les Écritures. Parce que ce qui nous rend stable et ferme et fort, c'est la vérité. Pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Okay. La vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, il faut que j'apprenne à connaître Jésus. Je deviens ferme. J'aimerais que tu connaisses Jésus. Donc, tu vas devenir ferme. Tu connais Jésus. Voyez-vous ça? Vous avez un petit peu une petite nuance. Hein? Moi, je trouve ça plus... moins sec. J'aimerais te présenter quelqu'un. Je trouve ça moins sec que de te donner un livre sur la personne. Tu sais, je veux dire, je vais t'enseigner, mais mon but, c'est pas juste des données, c'est pas juste des principes, des bouts de phrases. C'est une personne que je veux te présenter. Puis, vous dites, quand vous parlez avec les inconvertis, parlez d'une personne. Quand vous parlez, quand tu enseignes, Patrick, quand moi j'enseigne, quand vous enseignez quelqu'un, rappelez-vous, je veux parler d'une personne aux gens. Personne de Dieu, personne de Jésus. Ça devrait être ça dans notre enseignement. Ça devrait ressortir à quelque part. Je suis en train de parler. Je veux présenter une personne à quelqu'un, voilà. Là. Je veux présenter la personne de Jésus. Et si tu connais Jésus, tu vas t'affermir. Vous avez déjà entendu, peut-être que peut-être entendu si j'écoute depuis John MacArthur. John MacArthur avait dit une fois. Il dit, avez-vous remarqué que quand Pierre est avec Jésus, il sort son épée et il veut se battre contre 500. Quand il est tout seul, il a peur d'une femme. Il avait dit ça pendant un enseignement. Il dit, quand il est tout seul, il a peur d'une femme. Non, je ne le connais pas. Mais quand Jésus est du côté de lui, il sort son épée et il est prêt à se battre contre 500. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi la différence quand Jésus est avec lui? Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Quand Jésus est avec nous, dans nous, quand on vit avec lui et par lui, moi, en tout cas, personnellement, je me sens plus à l'aise quand je parle d'une personne que de débattre des points doctrinaux avec les inconvertis. Débattre des principes, débattre des choses qui sont juste intellectuelles, par exemple. Mais ben, moi, je ne suis pas vraiment ça. Je voudrais parler d'une personne qui s'appelle Jésus. Ah! Ça change un petit peu. Ça donne un petit peu... Il me semble que c'est plus chaleureux. Plus facile à faire. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, je dis, est-ce que je vous ai déjà parlé d'une église ou des baptistes? Et on dit non. Il dit, de quoi je vous parle? La personne a répondu instantanément, tu me parles toujours d'une personne qu'on a péché. Moi, j'étais content de lui, quand il a dit ça. Il était toujours en train de me parler de quelqu'un que j'ai. Mais c'est ça, c'est lui que je veux vous présenter. C'est pas l'église baptiste. C'est pas un livre. Je ne veux pas vous donner un livre. Je veux vous donner veux que vous rencontriez une personne qui est Jésus. On ne la veut pas, mais vous pouvez la rencontrer. Donc, c'est vraiment... En tout cas, je pense qu'on a plus de possibilités de faire un contact, un lien avec la personne, que de présenter... Dites comme moi, monsieur, je vais te donner un livre par rapport à un auteur, j'aimerais mieux rencontrer l'auteur que le livre de l'auteur. Si vous pouvez rencontrer l'auteur, ça serait plus fort. Donc, on prie pour que notre amour augmente, l'amour qu'on a pour Dieu. On prie pour notre connaissance augmente. On prie pour que notre affermissement spirituel et l'affermissement de l'Église, ça c'est les deux qu'on a vus jusqu'à date. On va en avoir un autre la prochaine fois. L'autre, ça va être Éphésiens 1, verset 15. Verset 15 à 23. Vous allez voir, il va commencer encore. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Là, il s'en va, il dit va. C'est toujours la même chose. Puis après, non, ça. Avant de prier pour un frère, rendez grâce pour le frère. Avant de prier pour une soeur, commencez par rendre grâce pour la soeur. C'est vraiment, ça change. Je ne sais pas pourquoi ça change la façon de voir les choses. Et je rends grâce. Puis il dit, bon, là, il va faire sa prière. Là, il va faire la prière du verset 17 jusqu'au verset 23. Fait que, vous pouvez méditer là-dessus. Je reviens dans trois semaines, loin, le 19. Le jour, je vais te revenir. Je vais être ma dernière fois pour l'été. On va venir le 19. Donc, le 19, ça va être vraiment le 18, ça va être le samedi. On va parler de ça. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il prie, lui, pour eux autres? Et ça va peut-être nous aider à diriger nos prières, nous autres aussi, dans ce sens-là. Éphésiens 1, verset 15 à 23. Donc, Patrick, tu l'as en note, tu peux le dire à tout le monde à l'Église qui va se préparer pour ça. C'est tout? Oui, c'est... OK, on va demander à Patrick de nous diriger dans le Notre bon Père du ciel, on te rend grâce que c'est toi qui peux nous affermir. Nous affermir dans la foi, nous affermir dans notre relation avec toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, que si tu viens nous chercher bientôt. Et nous désirons, Seigneur, persévérer. Nous désirons, par ta parole, mieux te comprendre, mieux te connaître, Seigneur. Nous désirons que tu nous utilises afin d'affermir les autres autour de nous. Nous désirons donner aux autres, parce que tu nous as tellement donné, Seigneur. Et par le fait même, nous désirons, Seigneur, que tu nous affermisses, afin de pouvoir affermir les autres. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui agis en nous. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est ta puissance qui nous transforme. Alors, Seigneur, ma prière également, c'est que, à travers cet affermissement, que nous soyons fermés ou que nous affermissions les autres, ou que nous prions pour que les autres soient fermés, que tu puisses tirer toute la gloire, Seigneur, de cela. Béni sois-tu et merci pour ce temps que nous avons eu ensemble en ton nom. Amen. Amen.